Je fais de l'escalade en club depuis 3 ans et je me suis vraiment pris de passion pour ce sport. Au début, j'ai très vite progressé parce que j'ai fait de la gymnastique toute mon enfance et mon adolescence. Autant dire que j'avais déjà les muscles et les abdos pour bien débuter l'escalade. On peut faire de l'escalade à l'extérieur, en falaise. C'est souvent des sorties encadrées par des clubs. C'est cool parce qu'ils fournissent tout le matériel. Sinon, on en fait à l'intérieur. Il y a des murs où on doit s'encorder et mettre le baudrier parce que c'est souvent des murs de plus de 15 mètres de haut. Et il y a des blocs pour faire des sortes de mini-voies. C'est plus de la difficulté et de la technique, contrairement aux murs où il faut de l'endurance. Dans les blocs, on s'attache pas parce que ça dépasse jamais 5 mètres de haut et il y a d'énormes tapis tout mous au sol. Après, il y a les pans, j'y vais souvent pour m'échauffer. On doit faire des traversées, on suit des petites étiquettes où il y a des numéros pour faire une quarantaine de mouvements dans la longueur. En parallèle, dans les salles d'escalade, on fait beaucoup de musculation, ça aide pour la progression. C'est très différent la falaise à l'intérieur, on n'utilise pas la même technique. C'est plus facile sur un mur intérieur pour repérer les prises par exemple, parce qu'on suit un chemin de prise d'une couleur unique pour chaque voie. Alors qu'en falaise, c'est couleur roche. Il faut beaucoup plus chercher. Je dirais qu'en escalade, c'est 80% de mental et 20% de force physique. Ça demande un certain dépassement de soi. Et on peut vaincre la peur du vide et son vertige. C'est un sport tout à fait accessible à ceux qui ont le vertige pour le combattre. J'ai emmené une amie qui a le vertige et elle a adoré ça, ça lui a fait vraiment du bien. En fait, il faut continuer malgré la fatigue, les mains qui glissent et le froid dans le dos, la peur de lâcher, la peur de sauter. Il faut toujours essayer de se surpasser. On voit bien les progrès qu'on fait grâce aux codes couleurs et aux cotations des voies. Quand on est dans les voies, on est dans un état où on pense à rien. On est dans l'instant présent avec les mouvements qu'on doit faire et notre objectif. On n'est pas en train de penser à la liste de courses ou si on a bien rendu notre dernière disserte. Entre l'assureur et l'assuré, il y a une sorte de contrat de confiance qui s'instaure. Il faut avoir confiance en l'autre qui tient notre vie entre ses mains. Quand je viens seule à la salle, je demande souvent à un inconnu de m'assurer pour pouvoir grimper. Je l'assure aussi bien sûr pour qu'il grimpe après moi. Et même si c'est un adulte qui fait le double de mon poids, je peux l'assurer. Mais je fais quand même attention, je reste près du mur parce que si jamais elle tombe, je vais voler. La communication et la vigilance, c'est important dans ce sport. L'assureur doit toujours garder un œil sur le grimpeur, quitte à avoir un torticolis, parce qu'il doit être très dynamique au sol pour donner du mou ou ravaler de la corde. Histoire de ne pas faire subir au grimpeur une chute de 5 mètres de haut. Le grimpeur, il doit bien communiquer avec son duo. Il doit dire sec quand il veut faire une pause au milieu de la voie ou quand il a fini la voie, et mou pour pouvoir accrocher la corde à la dégaine s'il n'y a pas cette corde. Au niveau du matériel, pour débuter, il faut seulement avoir ses chaussons d'escalade et encore pas dans toutes les salles, certaines en louent. Tout le reste du matériel, type corde, système d'assurage, casque pour la falaise, ils en prêtent toujours. Si j'avais un argument pour que les gens fassent de l'escalade, ce serait que c'est un sport hyper convivial. On fait beaucoup de rencontres. La dernière séance que j'ai faite, j'ai passé 2 heures à parler avec une personne que je connaissais même pas. On s'est posé au bar de la salle pour boire un peu d'eau et finalement on est resté ensemble toute la séance à parler. J'ai même pas eu le temps d'être fatiguée. C'est la fin de ce podcast, merci de l'avoir écouté. Et si vous voulez m'aider à grandir, vous pouvez vous abonner, laisser des commentaires et 5 étoiles sur iTunes.